Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 130e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 23, avec toujours ce générique Bacchus de Nicolas Gardel et les Headbangers qui nous accompagnent depuis 5 saisons maintenant, et puis toujours sous la houlette technique de Vincent qui assure avec brio comme d'habitude. Qui dit générique dit rubrique générique, et donc on va commencer cette émission en compagnie de rien moins que Orson Welles et Henri Mancini. Excusez du peu, on commence très très fort, puisqu'on va explorer cette fois-ci un film absolument extraordinaire, La Soif du Mal d'Orson Welles, dont Henri Mancini a composé la musique. Sa première musique de film d'ailleurs, Henri Mancini, en 1958. Alors il commence très fort, donc en compagnie du grand Orson Welles, qui nous raconte une histoire de meurtre auprès de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un homme est tué dans l'explosion de sa voiture, deux enquêteurs vont s'affronter un petit peu autour de ce cas, puisque quand la voiture est partie, elle était du côté mexicain, mais l'attentat a eu lieu côté américain, donc les deux polices mexicaines et américaines sont impliquées dans l'enquête, et ça sera l'occasion de faire un portrait en duo absolument extraordinaire entre Charlton Heston, qui fait l'inspecteur mexicain, très droit, très digne, etc. Et puis Orson Welles lui-même, qui joue le capitaine Hank Quinlan, un personnage haut en couleur, grassouillé, un peu alcoolique sur les bords, et très très désagréable de caractère. Orson Welles qui a dû prendre un malin plaisir à faire ce rôle-là, sous sa propre direction, bien sûr. Un film qui commence donc par cette scène justement où on suit la voiture depuis le Mexique jusqu'aux États-Unis, à la traversée de cette ville frontière, une scène absolument extraordinaire qui dure plus de 3 minutes, 3 minutes sans coupure, une scène tournée d'un seul tenant, avec vraiment une virtuosité de la caméra extraordinaire, un truc qui est enseigné dans les écoles de cinéma, tellement c'est resté un modèle du genre, dans le genre. Il y a beaucoup de beau monde dans ce film, hein. Charlton Heston, donc je l'ai dit, Janet Leigh qui joue le rôle de Suzanne Vargas, aussi la femme de l'inspecteur mexicain. Il y a Orson Welles, bien sûr, Hakim Tamiroff, Joseph Calleja, Marlène Dietrich qui joue un rôle extraordinaire d'une diseuse de bonne aventure auquel on fait appel pour les besoins de l'enquête, et qui s'est tellement bien grimée le jour où elle a joué son rôle, que même Orson Welles, qui la connaissait depuis des dizaines d'années, ne l'a même pas reconnue quand elle est arrivée sur le plateau. C'est dire si elle avait fait fort au niveau du maquillage et de l'habillage. Il y a même Zsa Gabor qui joue une tenancière de boîte de striptease. Zsa Gabor qui était parfaite pour ce genre de rôle. Et Joseph Cotton, un vieux complice de Orson Welles aussi, de ses premiers films, du temps de la RKO, qui joue le coroner aussi, qui est là dans ce film. Un film absolument extraordinaire, qui n'est pas toujours reconnu comme un des plus grands films comme ça d'Orson Welles, et c'est bien dommage, parce que comme toujours, ce sont des films telle maîtrise, aussi bien au niveau de l'intrigue, la manière de filmer, les personnages et les, la manière dont ils sont joués, que ça reste des grands, grands, grands classiques du cinéma. Et donc pour ce film, Orson Welles fait appel à un petit jeune qui débutait dans la profession, Henri Mancini, qui aura l'occasion de briller par la suite, notamment avec les thèmes de la Panthère Rose qui sont bien connus, avec le Baby Elephant Walk aussi, le fameux thème du film Atari de Ward Hawks, qui a eu un gros gros succès en 1962, et puis après Diamant sur canapé, bien sûr, de Blake Edwards, avec la fameuse chanson Moon River, qui est devenu depuis un grand classique dans tous les styles, un grand classique du jazz d'ailleurs aussi. Peut-être qu'un jour on fera un petit tour de grandes versions de cette chanson-là, Moon River. Il a aussi fait les thèmes de Peter Gunn à la télévision, Columbo, L'Homme Invisible, enfin bon, bref. Henri Mancini, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse carte de visite. Et donc, on va écouter ce thème principal de La Soif du Mal, Touch of Evil, de Orson Welles, composé par Henri Mancini. C'était donc le thème principal de La soif du mal, le film d'Orson Welles en 1958, composé par Henri Mancini pour commencer cette émission. Et comme toujours, ou presque, on va continuer d'explorer un petit peu maintenant les nouveautés qui continuent de paraître assez régulièrement. Une année 2026 qui s'annonce assez riche quand même, parce que c'est vrai que janvier-février, c'est toujours... propice aux sorties comme ça de jazz, mais là, cette année, on est particulièrement gâté, notamment avec le nouvel album de Abraham Réunion. Abraham Réunion avait déjà sorti un album ensemble il y a 2-3 ans, dont on avait fait le coup de cœur également, et on avait eu un coup de cœur l'année dernière sur l'album solo de Clélia Abraham, la pianiste du groupe. Abraham Réunion, donc c'est la réunion de trois frères et sœurs, Zachary qui est le contrebassiste du groupe, Cynthia la cadette qui est chanteuse, et Clélia la Benjamine qui joue du piano et qui chante également. Donc ce trio est bien sûr originaire de la Guadeloupe, et donc son jazz est très important, imprégné de musique caribéenne et tout. Et puis, cette fois-ci, dans cet album, elles font aussi appel à des musiciens réunionnais, notamment le percussionniste Japhet Boristen, qui les accompagne sur la plupart des morceaux de l'album, ainsi qu'un autre percussionniste, lui brésilien, Zaza Desiderio. Mais le morceau que je vous ai choisi dans cet album, grandement chanté, mais avec quelques parties instrumentales. C'est un duo avec le poète et chanteur et percussionniste réunionnais Daniel Waro. Daniel Waro, d'ailleurs, qui sera en concert au mois de mai au Bateau Ivre. Et c'est vraiment une occasion, une des dernières occasions qu'on aura de le voir, parce que je crois que c'est sa dernière tournée dans la métropole. C'est le 20 mai au Bateau Ivre, Daniel Waro, à ne pas louper. Et si vous ne le connaissez pas encore, et ben c'est l'occasion de l'écouter dans ce morceau qui doit tout autant à Abraham Réunion qu'à Daniel Waro. Le morceau s'appelle Bâtard Cité et c'est donc ce superbe duo avec Abraham Réunion, extrait de l'album Jandaine à nous. Moins pas blanc, non, moins pas noir, t'as pas moins si mon l'histoire. Toti et kafia mal bas, moins nation bonne fan bata. Moins atré, si tu veux, à cet atré, si tu veux, ton blanchité. Gain yadré si tu veux, achète à toi si tu veux, ton franc cité. A mon m'la pas besoin de voter, à mon faible, à mon qualité. Ça y est, pas du coup la terre, somme toute mon bata cité. A mon m'la pas besoin de voter, à mon gomble, à mon qualité. Ça y est, pas du coup la terre, somme toute mon rayonnette. Ça y est, pas du coup la terre, somme toute mon bata cité. Ça y est, pas du coup la terre, somme toute mon rayonnette. Ananana, nanana, nanana. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. On n'a pas besoin de voter, à moins faible, à mon qualité. Ça y déborde du coup la terre, somme toute mon bata cité. À moins n'a pas besoin de voter, à moins gomble, à mon qualité. Ça y déborde du coup la terre, somme toute mon rayonnelle. Ça y déborde du coup la terre, somme toute mon bata cité. Ça y déborde du coup la terre, somme toute mon rayonnelle. Ananane, nanana, nanana. Ananane, nanana, nanana. Un homme de sel, somme là et piment, mamzelle. Pour ce seul homme, si mon joanné, jusqu'à Tibrine, jusqu'à Belline, pour des mauvais rêves, gros fénois, mon nuit, zoyez-vous le voulout, maintenant, tant même. Pour des gueules, mon figuier, banal, la crie figmire. Pour faire d'or, la croûte, maille mon corps, dans le bouillon, bret, paillaté, à sommeil, ticot qui dort, dans le corbeil d'or. T'étais mon mot, Léon, lama, cap, garantie le soin, tisane, la vie, promesse, pas mine, fait feste, tibabaton. Donne pont y en paille, y en pont y satikaf. Sa kaf y bron, bron, bordaz rempart. Fais pas ton saf, mon noir. Tibouti a cossin sol, vente si vente. Sa tibout dans la fente, fais pas tibous. Sa y boison y coule dans bousaron. Pour remplir bord en bord, calvas de lait tout miel. Mon mon mamel dans payas, y flac flac, y veloum. Y sap sap dans dig digue, point franzan, quels enfants. Pour tomber dans contentement, son lame en lague et de corps. L'ami Miguel et le sort d'un saisissement, diab, koutia, diab, diab, tambou, trois Kumbu, malouba, babas, enfants, zombri, saigne encore. Tom, tizen, tom, mama et croissance, valal. Monstre, trésor, cri, d'un grain pour grain, d'un trou pour trou, méné pour méné, trimo pour trimo, carreau pour carreau, maï pas pour manquer d'un vitation. Pour son, il démagon, il joue la pont, le temps, l'espace, invite. Juste pour moi, pita coup de peau, pour moi, codin, anti, grains, éclis, l'or. En l'amour, corps, encore, nous t'en dans, nous dehors. Mon mon femme, zézé, à tes gores. Capaille, trappe, rouille, souk, sa couille, en caillom, l'étiver. Nous, pita, son fond de guerre. Voilà, c'était Abraham Réunion, l'extrait de cet album Jadananou qui vient juste de paraître, là, ces jours-ci, et accompagné ici par Daniel Waro, le poète percussionniste, batteur réunionnais qui les accompagne donc sur ce morceau. Si vous avez aimé, donc n'hésitez pas à prendre votre place pour le concert de Daniel Waro au Bateau Ivre le 20 mai, parce que ça risque d'être une belle fête aussi des mots et des séries de ces rythmes chaloupés si agréables à écouter. Alors je vous parlais tout à l'heure, avant cet extrait de l'album d'Abraham Réunion, de l'album solo de Clélia Abraham sorti en 2025, et c'est l'occasion de revenir dessus, parce qu'on l'avait fait en coup de cœur à l'époque, mais voilà, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire avec ce très très bel album dans lequel elle jouait de superbes parties de piano, un piano un peu à la fois rythmé, mais en même temps pas du tout invasif, qui accompagne vraiment très très bien sa voix. Et il y avait du beau monde aussi sur cet album-là, puisqu'elle avait invité sur plusieurs morceau Kevin Lazakis, le guitariste, mais aussi un autre guitariste béninois, Lionel Loueke, qui est un des grands guitaristes de la génération du jazz actuel. Et vraiment, cet album était particulièrement riche. Elle était venue d'ailleurs au Petit Faucheux le présenter à ce moment-là. Et c'était un vrai, vrai bonheur de l'écouter dans ce répertoire. Donc le morceau que je vous ai sélectionné, extrait de cet album de 2025 qui s'appelait Atacama, c'est le morceau São Paulo, qui a donc bien sûr une petite touche brésilienne que vous allez pouvoir apprécier dans ce morceau tout de suite. Thank you. Voilà, c'était Clélia Abraham, extrait de son album de 2025 Atacama. Le morceau s'appelait Sao Paulo et c'était vraiment très très très beau d'écouter cette musique à la fois caribéenne, brésilienne et puis très jazz aussi dans son esprit. Donc pour rappeler cet album suite à la sortie de l'album de Abraham Arignon qu'on écoutait juste avant. Un autre album, pas surprise, mais un album assez étonnant qui vient de paraître. C'est un album en duo, le duo de R.L. Besson, la trompettiste, avec Lionel Suarez, l'accordéoniste. Et tous les deux réussissent la gageure dans cet album de créer quelque chose d'assez exceptionnel, parce que des duos comme ça, accordéon et trompette, on n'en voit pas souvent. Surtout, de réussir à capter en permanence notre attention au long de cet album, qui est composé principalement de compositions, mais aussi de quelques reprises, on va le voir tout à l'heure puisque le morceau que je vous ai sélectionné c'est une reprise, mais vraiment une très très belle ambiance et très belle complémentarité entre le jeu de la trompettiste et le jeu de l'accordéoniste. Bon, R.L. Besson, on ne la présente plus, hein, elle a déjà joué énormément donc avec Rhoda Scott, avec Metronomy même, avec plein de monde, l'Orchestre National de Lyon, enfin bon, elle a joué avec plein de monde. Lionel Suarez, lui, est un habitué depuis longtemps des scènes de jazz en compagnie de Didier Lockwood, Claude Nougaro, André Mainviel, et bien aussi de la variété avec Aznavour, Roberto Alagna, Francis Cabrel. Bref, il a déjà bien roulé sa bosse et tous les deux, ce qui est vraiment agréable dans cet album, c'est qu'ils se complètent tout à fait. On sent qu'il y a une vraie écoute entre eux et que leurs interventions, l'un en réponse à l'autre, sont vraiment, ou à l'unisson d'ailleurs, sont vraiment très très bien pensées, sont très très bien faites. Et c'est vraiment un bel album. Et dans cet album, il y a une surprise, enfin un morceau qui m'a complètement surpris. C'est une reprise d'un morceau de Pat Metheny et Lyle Mays qui s'appelle « Au lait ». Et vraiment, ce morceau-là, il est tellement synonyme du son et du style de Pat Metheny Lyle Mays que je ne m'attendais pas du tout à le trouver dans cet album de trompette et de d'accordéon. C'est plutôt un morceau qui a été écrit pour guitare et pour clavier au départ, donc voilà. Mais l'arrangement est vraiment somptueux, c'est vraiment magnifique et on retrouve tout à fait l'original, mais dans un habillage qui est complètement différent. Et si ça fonctionne de la même manière que dans l'original, mais différemment en même temps. Donc c'est assez magique de pouvoir écouter ce résultat. Alors écoutez-le bien, parce qu'après on écoutera la version originale. Mais d'abord, on va écouter donc cette version, R.L. Besson et Lionel Suarez, « Au lait » de Pat Metheny et Lyle Mays. Thank you. C'était donc R.L. Besson et Lionel Suarez dans ce duo extrait de l'album Blossom, la reprise du morceau Olé de Pat Metheny et Lyle Mays, tout à fait étonnante. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer. Donc, comme pour pas mal d'exemples qu'on a déjà fait au fil des saisons et des émissions ici, eh bien, on va écouter la version originale de Pat Metheny et Lyle Mays. C'était extrait de l'album Offrant en 1982 chez ECM, qui était déjà le troisième album du Pat Metheny Group. Pat Metheny, lui, en avait fait d'autres, soit solo, soit en duo avant, mais celui-ci était le troisième du groupe, enregistré en 81, mais sorti qu'en 82. On y retrouvait donc Pat Metheny à la guitare, Lyle Mays au clavier, Steve Rodby à la basse et Danny Gottlieb à la batterie, avec aussi des petits passages de percussions et de voix signées du percussionniste brésilien Nana Vasconcelos. Alors la voix, c'est pas des mots qu'il chante, c'est juste des comme s'il faisait de la percussion avec la voix, ou juste qu'il accompagnait la mélodie avec cette voix. Et vraiment, vous allez pouvoir retrouver tout à fait donc la mélodie de ce qu'on a écouté tout à l'heure par R.L. Besson et Lionel Suarez, mais adaptée au Pat Metheny Group. Ici, c'était la version donc originale, Offramp, Olé, Lyle Mays et Pat Metheny. Thank you. Voilà, c'était le Pat Metheny Group, extrait de l'album Offrant en 1982, la version originale de Olé. Vous avez vu, c'est une ambiance à la fois complètement différente, mais le morceau est là, tout ce qu'on a écouté auparavant dans la version de R.L. Besson et Lionel Suarez était déjà là, mais voilà, ils ont réussi tous les deux à transformer extraordinairement ce morceau. Et là, c'est vraiment toujours un bonheur de réécouter cette version originale, très très belle, extrait de cet album Offrant. Alors, on reste un petit peu en compagnie de guitaristes, mais pas que, puisque on va écouter un nouvel album également de Django Festival All Stars. Django Festival All Stars, c'est un groupe que le monde entier nous envie, un groupe qui a décidé de continuer la tradition du jazz manouche à la française qu'avait instauré le fameux Django Reinhardt dès les années 30-40, mais il le matine un petit peu d'un jazz un peu plus moderne, et c'est tout à fait intéressant d'écouter toujours ce groupe. Alors le groupe est absolument exceptionnel, hein. On y retrouve Ludovic Bayer donc à l'accordéon, Pierre Blanchard au violon, Samson Schmitt à la guitare, qui a succédé à son père Dorado Schmitt, qui avait lancé le groupe il y a déjà une bonne vingtaine d'années, Frank Ommerstein à la deuxième guitare et à la contrebasse Antonio Licuzati. Donc ce groupe qui tourne absolument partout, hein, aussi bien à San Francisco qu'à New York, qu'au Japon, que dans toute l'Europe. C'est vraiment un groupe qui a je dirais pas le monopole, mais qui a vraiment un tel niveau de compétences dans le jazz manouche que voilà, le monde entier se l'arrache. Et là, donc, il sort ce nouvel album qui s'appelle Évolution et qui reprend quelques thèmes et puis beaucoup de compositions, notamment celle qu'on va écouter tout de suite qui s'appelle Swing and Ready, une composition de Ludovic Bayer. Et vous allez voir, ça dépote joyeusement. Thank you. Eh bien, voilà, c'était cette composition de Ludovic Bayer qui s'appelait Swing and Ready, extrait de ce nouvel album du Django Festival All Stars Evolution qui vient juste de sortir. Et puisque l'on parlait de Swing and Ready, ça m'a rappelé que dans un album un petit peu plus ancien, mais pas si vieux que ça, puisqu'il date de 2021, Ludovic Bayer avait déjà signé un morceau qui s'appelait Swing Ready, qui reprend d'ailleurs un petit peu la même thématique. Donc Swing Ready, ça faisait partie de cet album Made in Black sorti en 2021 donc chez Armada Socadisc, Armada qui était le label de notre ami Boris Kurtz qui avait initié cette émission aux Z Jazz à tous les étages et avec lequel j'ai partagé les deux premières saisons. Boris était le manager de Ludovic Bayer à l'époque et c'était lui qui s'occupait de ses affaires. Donc voilà, c'était une des dernières productions que Boris a eu l'occasion de faire et c'est toujours un plaisir de pouvoir lui rendre cet hommage à cette manière-là. Donc là, dans cet album, Ludovic Bayer était absolument tout seul, soit à l'accordéon, soit à l'accordina, qui est une sorte de petit instrument dans lequel il souffle, qui reprend les codes de l'accordéon, mais aussi un peu les codes de l'harmonica. C'est un peu un mélange entre les deux, et c'est vraiment assez étonnant comme instrument. Il en est vraiment un des grands maîtres mondiaux. Ludovic Bayer, dont le nom n'est pas forcément très très très connu, et pourtant il a joué avec Angelo Dobar, Alexandre Severino, avec James Carter, Joe Lovano, Tom Scott, Toots Thielemans, bien sûr, Herbie Hancock et Liane Elias, enfin bon, bref, beaucoup de beau monde, et malheureusement, il n'est pas suffisamment connu, je trouve, pour un garçon de sa stature musicale et humaine aussi, puisque c'est un garçon adorable. Donc, on va réécouter ce titre Swing Ready, extrait de l'album Made in Black de Ludovic Bayer, un petit peu en écho au morceau précédent, le Swing and Ready, du Django Festival All Stars. Thank you. C'était Ludovic Bayer, Swing Ready en 2021, extrait de cet album entièrement solo, Made in Black, qui prouvait que voilà, il n'avait pas forcément besoin d'avoir un gros entourage autour de lui, Ludovic Bayer, pour être tout aussi passionnant. Alors il y a toujours beaucoup de choses qui sortent dans les bacs, on ne peut pas tout passer, on est obligé de faire une sélection, donc je vous donne quelques autres nouveautés qui sont sorties ces temps-ci, notamment un nouvel album de Sonny Troupe, et on devrait peut-être en reparler d'ici quelques temps, batteur et percussionniste qui a joué avec plein de monde et qui sort ce nouvel album qui s'appelle Every Dance. Il y a un nouvel album de Dave Douglas, un nouvel album de Victor Alexamian aussi qui sort, et puis un nouvel album de Nils Landgren, Love of My Life. Bon, le tromboniste et chanteur, il joue un petit peu trop avec un gros orchestre et c'est un petit peu plan-plan, c'est un peu dommage, ça, on aimerait de temps en temps que ça dépote un petit peu plus. Voilà, on aurait voulu un petit peu plus de que ça pulse un peu plus, un petit peu plus funky, c'est dommage. Il y a un nouvel album de David Hermelin, lui, Swinging the Town, qui est un grand spécialiste du jazz. Du jazz un petit peu style années 30, un petit peu à la Cotton Club. Si, il est clavier, il est clarinettiste et il fait aussi des claquettes, c'est-à-dire on entend des claquettes puisqu'il fait les percussions avec ses claquettes dans l'album. C'est vraiment très très tonique et très très sympa. Voilà, il y a un nouvel album de Ron Carter aussi en duo avec Ricky Dillard qui s'appelle Sweet Spirit qui sort ces jours-ci. Voilà, vous voyez que ça ne manque pas et je vous dis pas tout parce que bon voilà, il faut aller explorer aussi les bacs des disquaires pour aller voir ce qu'il y a comme nouveauté qui sort. On continue pour l'instant sur les sorties notables et notamment avec le nouvel album de la saxophoniste chilienne Melissa Aldana. Melissa Aldana, ça fait déjà son deuxième album sur Blue Note qui sort ces jours-ci. L'album s'appelle Feeling. Le Feeling, ça s'écrit F-I-L-I-N, c'est un style musical cubain qui est un petit peu voilà un petit peu sur le mode balade amoureuse, etc. C'est tiré du mot anglais feeling, le sentiment, et donc c'est un style un petit peu voilà qui fait appel aux chansons un peu sentimentales cubaines qui a été lancé dans les années 40-50 et qui dérive un peu du boléro au niveau du style. Donc ça donne des morceaux assez cool hein, dans l'ensemble, avec quand même une petite rythmique cubaine qui vient se mêler dans tout ça. Alors elle est accompagnée de beau monde là-dedans, puisqu'il y a ni plus ni moins que Gonzalo Rubalcaba au piano pour l'accompagner, donc pianiste d'origine cubaine qui vient apporter un petit peu sa caution et sa rythmique tout à fait cubaine. Peter Washington à la basse et Kush Abadei à la batterie. Il y a aussi deux morceaux qui sont chantés par Cecil McLaurin-Salvant dans cet album qui viennent apporter une petite touche voilà, à chanter, puisque le reste est complètement instrumental. Et ça donne à l'arrivée un album très, très cool, très chouette, mais avec ce petit côté latino-cubain là, qui est bien, bien agréable à écouter. Le morceau que l'on va passer s'appelle La Sentence de Salvador Levy. Et vous allez voir, ça déroule tranquillement. Thank you. C'était Melissa Aldana, extrait de cet album Feeling qui vient juste de sortir. Le morceau s'appelait La Sentence. Il y était accompagné notamment par Gonzalo Rubalcaba au piano. Un bien bel album au senteur très, très cubaine pour accompagner votre début de soirée. C'est parfait. Vous avez peut-être un petit punch à la main, on ne sait jamais. Hein. Voilà, ça aide à déguster. Alors, on va revenir maintenant à l'agenda concert avec très bientôt, le 6 mars, Lou Tavano en compagnie de Guillaume de Chassy et Florent Nice qui passeront au Petit Faucheux. Le 18 mars, il y aura Jeanne Haddad avec Vincent Le Cang et Bruno Ruder au Théâtre Olympia, toujours à Tours. Et puis, il y a le 19 février, Milo Can, le groupe réunionnais qui passe au Petit Faucheux également. Encore quelques belles sorties prévisibles dans les semaines qui viennent, à ne pas louper. Et vraiment... Un bel agenda, il y en aura encore beaucoup, puisqu'il y aura encore l'Aillé-Grosse au Bateau Ivre le 2 avril, et puis ensuite ce sera en Rhoda Scott et son Lady Quartet en compagnie de David Links, rien que ça, et Hugh Coltman qui viendront le 29 avril à l'Espace Malraux à jouer les tours. Donc voilà, encore beaucoup de sorties à prévoir dans votre agenda. On va terminer, comme d'habitude, dans ces émissions Osez Jazz à tous les étages, en compagnie d'un grand, grand, grand, grand album, d'un grand, grand, grand, grand monsieur. C'est la réédition pour le 50e anniversaire de l'album, du premier album de Jaco Pastorius chez CBS, qui porte juste le nom de l'artiste d'ailleurs, Jaco Pastorius. Un très bel album avec une belle pochette où Jaco Pastorius est pris en photo en noir et blanc, juste de face, et il vous regarde dans les yeux, et avec une certaine assurance. Jaco Pastorius, à l'époque, il était assez peu connu encore, même s'il avait déjà joué en compagnie de Pat Metheny notamment, et puis de plein d'autres artistes, notamment Paul Blais, qui lui avait mis un petit peu le pied à l'étrier, et puis il avait fait pas mal de sessions studio, notamment avec Joni Mitchell, la chanteuse canadienne, et puis voilà, mais il était encore assez peu connu. Il avait une particularité, c'est qu'il jouait sur une basse, ce qu'on appelle une basse fretless, une basse sans fret, c'est-à-dire que son manche est complètement lisse comme celui d'une contrebasse, sauf que c'est une basse électrique. Ça peut paraître un petit peu anodin comme ça, mais ça ça permet de retrouver un jeu assez proche de ceux des contrebassistes. Et puis surtout, ça nécessite d'avoir une très très bonne position des mains pour chaque note des doigts, parce que voilà, on peut très vite se retrouver, comme on n'a pas de repère avec les frettes, à jouer une note fausse ou un petit peu à côté. Donc c'est vraiment un instrument très très exigeant. Alors il avait une petite technique pour pouvoir plus facilement glisser ses mains le long du manche, c'est qu'il s'enduisait les doigts avec de la graisse de poulet avant de monter sur scène ou avant de faire un enregistrement, pour pouvoir donner plus de souplesse à son jeu. Voilà, cet album, donc enregistré en 1975 et sorti en 1976, on y retrouve un monde de fous, puisqu'il y a au clavier rien moins que Herbie Hancock, Narada Michael Walden aussi, Sam Moore et Dave Prater, c'est-à-dire Sam and Dave, qui viennent chanter sur un morceau un petit peu soul, il y a David Sanborn qui vient souffler dans son sax, il y a Michael et Randy Brecker qui viennent souffler sur sax et trompette respectivement, Lenny White à la batterie, enfin bon bref, un joli paquet de monde. Et cet album, il va faire l'effet d'une déflagration dans le monde du jazz, parce que jusque-là, même s'il y avait eu quelques exceptions comme Charlie Mingus, comme Scott LaFaro, etc., les bassistes étaient toujours des accompagnateurs, et il y avait peu de monde, à part les deux noms que je viens de citer, qui avaient un petit peu révolutionné le monde du jazz, rien qu'en étant bassiste et en apportant une contribution particulière au jazz. Et ça a été le cas donc de Jaco Pastorius, qui va redéfinir un petit peu le rôle de la contrebasse et surtout de la basse électrique, puisqu'il a pratiquement joué que de la basse électrique dans le jazz. Il continuera ensuite, au sein de Weather Report d'ailleurs, à apporter cette technique tout à fait étonnante qui mélange en fait le jeu de la contrebasse et le jeu de la basse, mais vraiment sur une basse acoustique, en incluant des influences soul, funk, jazz. C'est vraiment un jeu complètement impressionnant. Et donc cet album va vraiment révolutionner le monde du jazz à l'époque. Et malheureusement, Jaco Pastorius disparaîtra quelques années plus tard, en 1984, mort beaucoup trop jeune malheureusement, parce qu'il aurait pu encore apporter beaucoup au monde de la musique en général, même si ce n'est pas limité au jazz. Le morceau qu'on va écouter juste avant de se quitter, c'est le morceau Kourou, qui est une composition de Jaco Pastorius, mélangé à la fin sur le Speak Like a Child de Herbie Hancock. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine et à vous donner rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Osez Jazz à tous les étages, toujours en compagnie de Vincent qui assure la technique comme d'habitude. D'ici là, si vous avez le temps et si vous en avez l'envie, vous pouvez nous laisser des petits messages sur Facebook Osez Jazz à tous les étages, ou sur Instagram Osez Jazz tout court. Et vous pouvez aussi réécouter d'anciennes émissions et celle-ci également en podcast sur www.radioactivefm.fr. Merci à tous. Passez une très belle semaine et d'ici lundi prochain, que le jazz soit avec vous.